fait clic clic clic clac, voilà le tic trac, Sage, SDK sur le pic et le coup. Ça fait clic clic clic clac, voilà le tic trac, Sage, SDK. Ça fait clic clic clic clac, voilà le tic trac, Sage, SDK sur le pic et le big crack. Descends du V3500, nous sommes venus d'ailleurs. On rap en cette trop de merde, appelle-nous les citoyens, vous serez soldats hip hop. J'suis venu me dévouer, t'as su combien le tapis rouge, t'es venu me dérouler. Suspect, expert, impulsif, j'espère que t'as compris qu'il y a du sexe, du six dans le secteur, dans le lecteur. Ma patate, ça va être la scène en featuring. Ça vient chez nous comme normal, et fait tu ris. J'ai les coups d'un des dents, du red bar de bras. Pour les faux, pour les torts, batteur de bras. C'est du sale, c'est du lourd, 23 débarquements. Y'a de la chatte, y'a du seum, 23 départements. Déjà à tous les fachos, qu'on est chaud comme la presse. Si un con était à poil, la France serait portugais. Tu peux aller au micro, aller condoler dessus. Dans tous les cas, c'est notre taux, notre son. Tu fais visite, la CSIKS, featuring avec Sage. Je vais tester au micro, allume un cierge. Je peux exceller sur le chrome, à l'école dans les lycées. Dans tous les cas, c'est notre son, notre son. Tu peux visite, la CSIKS, featuring avec Sage. Je veux tester au micro, allume un cierge. Sur le beach boss, j'ose donner ma vision des choses, mi-noir, mi-rose. J'ose écouter qui veut poser la prose. Les parfums moroses, la cause. Lui, 3 domine la France. Au fond, c'est pense à tant de choses. Sauver les autres pour mieux remplir ma pense. Pense que la prochaine agit, aka SIKS et SEIJ. Je nie de rien si nous sommes sur un pédestal. On débarque et cache tous les pédestals. Ma bataille est toujours d'actualité. Faire de ma force une particularité. Milité pour le meilleur et le pire. J'expire et tire à chaque fois que je respire. J'aspire. Satisfaire l'unique avant de plaire à la multitude et taire les sceptiques. Parce que ma concurrence est rude. Rudiste track, nous voilà dans les bacs. Toujours présent, jamais de retour. C'est l'apocalypse aux alentours. Tu peux exceller sur le prom, à l'école dans l'Élysée. Dans tous les cas, c'est notre tour. Notre tour, tu plais du site. Là, c'est SUKS. Tu ring avec Sage. Tu veux tester au micro, allume un cerf. Tu peux exceller sur le prom, à l'école dans l'Élysée. Dans tous les cas, c'est notre tour. Notre tour, tu plais du site. Là, c'est SUKS. Tu ring avec Sage. Tu veux tester au micro, allume un cerf. Je m'appelle le pâtissier, je vais distribuer les tartes. Mon son est tellement corrosé. T'as plus de pouce, il a des tartes. Des tartes, c'était vers là. Je dis comme du verglas. Le son qui fait vendre ton pénis. Comme du Viagra. Grave et garde à garde sur mon dracard, des braqueurs du tracker à la carte, à la carte bas. Tous mes roses détruisent le cerveau, tarba avec de l'agnole et du tarpé. Six et Sage, voilà nos blazes sur ce 16. Crois pas qu'on blague, on se présente, représente et ne plaisante pas. On est la milite, fond de la 8-3, notre ville, la Seine. Les rappeurs ne sont pas couverts de la scène, prêt à tout brûler debout sur la scène, je saigne. Ceux qui veulent clasher mon crew.